Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 mars 2017. Voici tout de suite les grands titres de cette édition. Le parti FNL réclame que feu général Adolphe Nshimirimana soit reconnu comme héros national. Une correspondance dans ce sens a été envoyée au numéro 1 de l'exécutif burundais. Vous entendrez Jacques Wigirimana qui demande aussi la mise en place de la commission de révision de la constitution de la République du Burundi. Et le président de l'organisation Parsem demande aux membres de la Cour des comptes de tout faire pour satisfaire les bailleurs de fonds. Faustin Ndikoumana a réagi au lendemain de la prestation de serment ce mardi de la nouvelle équipe, alors que l'ancienne n'a atteint ses missions qu'à 10%, ce qui pour lui n'est pas de nature à encourager les bailleurs de fonds à mettre la main à la poche. Et le Centre national de transfusion sanguine n'a plus de budget de fonctionnement depuis janvier cette année, ni de salaire pour le personnel. Du coup, ses employés lancent un préavis de grève pour arrêter le travail. C'est pour éviter le pire, explique-t-il. Et 60% des prisonniers sont en détention préventive et ceci est malheureusement devenu comme une règle, regrette l'association Burundi Bridge to Justice dans un atelier organisé conjointement avec le Centre de formation professionnelle de la justice. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Alors que les membres de la Cour des comptes ont prêté serment ce mardi, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités Parsem les interpelle ainsi que d'autres autorités habilitées à se ressaisir et de travailler pour satisfaire les bailleurs de fonds. Le président de cette organisation note avec regret que les missions qui avaient été assignées à la Cour des comptes dans le plan stratégique pour la période 2012-2017 n'ont été atteintes qu'à 10%. Faustin Ndikoumana a fait remarquer que c'est ce manquement qui pousse les bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, à accorder des financements insignifiants au Burundi par rapport à ceux donnés aux autres pays. Joseph Sabiamandi a suivi pour nous le point de presse organisé à ce sujet. Voici son reportage. La Parsem dresse un bilan amer sur le rôle de la Cour des comptes ces cinq dernières années. Selon Faustin Ndikoumana, président de cette organisation, les manquements de cette Cour d'il y a cinq ans sont toujours d'actualité. Donc, je dis que rien n'a été fait par rapport à ce qui devait être fait dans le plan stratégique destiné à améliorer le fonctionnement de la Cour des comptes. C'était alors la rédaction d'un compte rendu budgétaire en bonne et due forme, l'élaboration de ce qu'on appelle des attestations de conformité, pouvoir contrôler les entités depuis au sommet jusqu'à la base. Même les autres institutions nous donnent par exemple en finance, comme la présidence de la République, l'Assemblée, les ministères, les stratégiques comme la défense, notamment les dépenses, comme par exemple quand on disait l'agent de la mission, c'est la Cour des comptes qui devait toujours éclairer ça au nom du contribuable, au nom du citoyen. Et aussi restaurer sa mission juridictionnelle. Une Cour des comptes qui ne peut pas inviter un ministre pour s'expliquer sur la mauvaise gestion de la chose publique. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, les bailleurs de fonds qui accordaient des financements, des crédits. L'existence d'une Cour des comptes responsable et crédible, c'est l'un des critères. Même la Banque mondiale le fait. Actuellement, le Burundi a toujours été coté avec une note en deçà de la moyenne. Est-ce que le Burundi mérite d'avoir toujours des petits financements sur des guichets concessionnels de 10 millions, 20 millions, alors que d'autres pays ont reçu 300, 400 millions de dollars. C'est ça ce que nous méritons. Faustin Ndikoumana a fait aussi remarquer que les réalisations de la Cour des comptes ces cinq dernières années sont autour de 10% sur les résultats attendus. Le président de la Parsem interpelle tout un chacun à se ressaisir. J'ai parlé globalement, la première, il y a le gouvernement, il y a le parlement. Mais nous aussi, les citoyens, c'est nous qui payons les impôts. Toi, tu ne payes pas les impôts. Tu ne veux pas de rapport crédible. Tu ne veux pas qu'on punisse celui qui vole ton argent, qu'on a ôté sur ton salaire. C'est mettre en application le plan stratégique. Nous voulons le résultat. Ce n'est pas la période. Le résultat de ce qui doit être fait. Si on n'a pas pu le faire en 2017, continuons à le faire au moins en 2019 ou 2018, au moins dans une année, faire un effort. L'essentiel, c'est qu'un jour, au moins, un bailleur vient dire « Maintenant, nous voyons des avancées. » Si la Cour des comptes remplit ses missions, l'argent du contribuable sera protégé, estime toujours le président de la Parsem. Merci Joseph Nsabiyabandi. Les employés du Centre national de transfusion sanguine affiliés au syndicat national du personnel paramédical et d'appui de la santé publique, SINAPA, ont sorti un préavis de grève qui entre en vigueur le 3 avril le prochain. À l'origine de cette grève, le manque de budget de fonctionnement de ce centre depuis le mois de janvier cette année, ainsi que le manque de salaire du personnel. Ces employés disent vouloir arrêter le travail pour éviter la continuité du dysfonctionnement du centre, une situation qui pourrait conduire très probablement à des pertes en vies humaines. La radio de l'avenir. Une jeune fille de Kajondi en commune Rutovu de la province Bururi est sous interrogatoire de la police judiciaire de Rutovu depuis ce mardi matin. Elle est accusée d'avoir étranglé un bébé qu'elle venait d'accoucher dimanche matin. Le centre de développement familial et communautaire à Rutovu demande à la justice de faire son travail. La correspondance de Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Les informations obtenues des habitants de la sous-colline Kagongo, confirmées par Evariste Gahungu, chef de secteur Kajondi, indiquent que Clémentine Niongere a été attrapée dans un boisement vers 10h de ce dimanche avec un corps d'un bébé et avec une complication de rétention placentaire. La population qui était à sa recherche depuis le matin, alertée par sa famille, a conduit cet élève de la 7e année fondamentale à Nyakigongo au centre de santé de Kajondi pour des soins, de même que le corps du bébé qui a été enterré le lendemain alors que sa mère était transférée à la police judiciaire de Rutovu pour être interrogée. Alexis Ndagijimana, représentant du centre pour le développement familial et communautaire en commune Rutovu, demande que la loi en la matière soit appliquée afin d'éradiquer à jamais ce genre de crime. Par ailleurs, cette fille qui n'aurait pas eu des soins suffisants au centre de santé devrait être placée sous surveillance médicale. Le procureur de la République à Bururi dit que le transfert de cette jeune fille à Bururi est urgent et de cette façon, elle sera dans les mains de la justice tout en bénéficiant des soins médicaux des infirmiers de l'hôpital régional de Bururi. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, toujours dans les nouvelles des provinces. Cela fait plus de deux semaines que les élèves des écoles fondamentales Maranvia 1 et Maranvia 2 et du lycée communal dans la commune Nyabikere, toujours dans Karouzi, étudient dans des conditions difficiles, comme l'explique le directeur de ces écoles. Cela est une conséquence de la destruction de 14 salles de classe qui a eu lieu à ces écoles. L'administrateur de la dite commune dit espérer que ces écoles seront réouvertes avant que le troisième trimestre de l'année scolaire en cours ne commence. Blaise Pascal Kararoumié. Les élèves des écoles fondamentales de Maranvia 1 et écoles fondamentales de Maranvia 2 et le lycée communal dans la commune de Nyabikere, province scolaire de Karoussi, étudient ces jours-ci dans des conditions difficiles, comme l'explique le directeur. Selon le directeur de l'école fondamentale de Maranvia 2, les enfants ont été regroupés, telles que les classes de A et les classes de B constituent actuellement une seule classe. Certains groupes d'élèves viennent à l'école dans l'avant-midi, au moment où d'autres vont étudier dans l'après-midi. Cela a été arrangé après que 14 classes et 2 bureaux des directeurs ont été détruits par des pluies torrentielles aux trois établissements scolaires de Maranvia 1, Maranvia 2 et le lycée communal de Maranvia, comme l'explique le directeur. Il faut savoir que pour les quelques classes qui sont restées, les classes sont pléthoriques jusqu'à avoir plus de 80 élèves par classe. Et il signale que même les heures d'enseignement sont réduites, mais aussi que certains élèves ont préféré abandonner. L'administrateur de la commune Nyabikere indique qu'il continue à toquer ici et là pour demander des tôles pouvant couvrir ces classes qui ont été détruites par des pluies en date du 5 mars courant. Et Ondias Nakumu Diango signale qu'il vient d'avoir le sommet de crédit des tôles qui peuvent couvrir 4 de ces classes et espère que le troisième trimestre de l'année scolaire en cours commencera après la couverture de ces classes qui restent. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Isanganiro. Il est 13h06 à Bujumbura, je vous l'avais dit. Le parti FNL demande au président de la République d'intégrer le général Adolphe Nshimirimana sur la liste des héros nationaux Dans une conférence de presse animée ce matin, le président de ce parti, Jacques Wigilimana, qui dit également s'être exprimé en sa qualité de porte-parole de l'opposition extra-parlementaire, demande aussi que soit mise en place la commission qui sera chargée de réviser la constitution de la République du Burundi. Mireille Kanyang, vous êtes en direct, vous venez de ce point de presse organisé par le parti FNL. Dites-nous ce qui s'est dit là-bas. Oui, Jean Bosco, je viens justement de cette conférence de presse tenue par le président du parti FNL, une conférence de presse durant laquelle il a répondu aux questions des journalistes. Étant donné que feu lieutenant général Adolphe Nshimirimana a été issu du parti au pouvoir, mais que ce dernier n'a pas encore demandé qu'il soit élevé au rang des héros de la Révolution, voici la réponse du président du parti FNL. Il est de notre droit au plus absolu d'avoir des convictions semblable aux convictions de celui-ci ou servir. C'est légitime. La Constitution est claire. Tout citoyen burundais a le droit d'expression. Il peut s'exprimer dignement, afficher sa position politique sans craindre quoi que ce soit. Que le CNDD-FDD était en retard, ou alors n'a pas voulu, ou n'a pas encore réclamé que Adolphe Nshimirimana soit élevé au rang d'un héros national, ça, je ne suis pas porte-parole du CNDD-FDD. Nous avons fait ce qui est de droit. Et quant à la question que s'oppose une certaine opinion selon laquelle feu lieutenant général Adolphe Nshimirimana a trempé dans la répression des opposants à l'autre mandat du président de la République, le FNL estime que être un héros ne suppose pas n'avoir pas d'ennemis. Être un héros ne dit pas que vous n'avez pas d'opposants, vous n'avez pas d'ennemis. Non, je vous ai donné un exemple. Ndada Emekio, il était surnommé Kinyamwanira. Quand il a été assassiné, il y a des gens qui ont avoué qu'il a été assassiné parce qu'il rentrait du Rwanda. Il était accusé de tous les mondes. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que finalement, c'était un innocent, que c'est un vrai héros national, héros de la démocratie. Mais aujourd'hui, ce que vous dites est de loin différent de ce que ces assassins pensaient sur lui. Les assassins de Ndada d'arrêt fort intérieur, ce qu'ils parlaient, il disait qu'ils assassinent un ennemi de la paix. Et Jean Bosco, lors de cette conférence de presse, le président du FNL a indiqué que les auteurs de l'assassinat du feu lieutenant général Adolphe Nshimirimana sont connus, bien qu'ils aient adressé la correspondance au président de la République. Adolphe Nshimirimana n'a pas été assassiné parce qu'il est général tout court, parce qu'il est issu du CNDD-FDD, seulement comme ça, il a été tué pour des mobiles hautement politiques. Alors ici, je ne devance pas la justice, mais demain ou après-demain, la justice m'a donné la raison. Et concernant le changement de certains articles de la Constitution, le président du FNL souhaite que les membres de la commission chargée de l'amendement, de cette Constitution soient vite mis nommés. Et Jacques Wigilimana a indiqué également qu'il ne soutiendra pas une Constitution qui ne rassemble pas les Burundais. Pour rappel, le lieutenant général Adolphe Nshimirimana a été assassiné le 2 août 2015. Merci Mireille Kanyang. Sûrement que vous reviendrez sur d'autres détails de cette conférence de presse dans notre édition de la soirée. Il est 13h10 à Bujumbura et sur les Sanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Près de 60% des prisonniers sont pour la plupart des fois en détention préventive, dont certains dehors des délais. Cela ressort d'un atelier organisé par l'association Burundi Bridge to Justice. Un atelier organisé en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de la justice. Et l'une des causes de ces chiffres élevés en est que la détention préventive est souvent considérée comme une règle. Le point avec Alain Désiré au Kayenet. Parmi les obstacles rencontrés par les accusés durant la procédure pénale se retrouve la mise en détention préventive qui est souvent considérée comme une règle par certains agents de la justice au lieu de constituer une exception. Le président de l'association Bridge to Justice estime que cela pousse à ce que plus de 60% des prisonniers sont pour la plupart des fois sous la mesure de détention préventive. L'accusé, la personne privée de liberté, ne jouit pas effectivement de ces droits tels que garantis dans les textes, comme cela se devrait, parce que à considérer les effectifs des personnes privées de liberté qui n'ont pas encore comparu devant le juge, on constate que le nombre reste élevé à plus de 60% des personnes qui se trouvent dans les prisons burundaises. Nous en appelons aux acteurs de justice pénale d'agir dans toute coordination, de mettre au centre les droits de l'accusé. Maître Jean-Claude Barakamfitiye rappelle à ce sujet que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une justice équitable. C'est pour cette raison que les officiers de la police judiciaire ainsi que les procureurs doivent veiller à ce que les garanties des accusés soient à tout prix respectées. L'appel est du directeur du centre de formation professionnelle au sein du ministère de la Justice. On voudrait que les dispositions légales, que ce soit du code de procédure pénale qui parle de la détention et l'exception, c'est la liberté à la règle, mais aussi au niveau de la PJ, de la police judiciaire, au niveau du parquet, au niveau de la justice, il y a des garanties qui sont offertes par la loi aux personnes accusées. Et l'aide dans les mains de la justice, mais la personne bénéficie des droits de la défense. Mais aussi, il y a les délais de détention au niveau de la police judiciaire. Édouard Minane précise que les agents de la justice qui violent ces garanties en cours des sanctions leur infligées par leurs supérieurs hiérarchiques. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. En Namibie, le gouvernement veut réformer leur secteur agraire à travers la redistribution des terres à la majorité noire. En Somalie, un nouveau gouvernement de 26 ministres a été mis en place à Mogadiscio, un gouvernement qui compte 6 femmes pour la première fois depuis 1991. Et au Cameroun, des milliers de réfugiés nigériens qui avaient fui Boko Haram ont été forcés de rentrer chez eux contre leur gré. Les détails avec Didier Nyonzima. Le Cameroun a forcé des milliers de réfugiés nigériens qui avaient fui les djihadistes de Boko Haram à rentrer contre leur gré. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2600 réfugiés ont été envoyés cette année contre leur souhait au nord-est du Nigeria, où l'insécurité persiste et l'accès aux services de base reste limité. La RFI sur son site web écrit que les deux pays et le HCR, au début du mois de mars, ont signé un accord stipulant que les réfugiés résidant au Cameroun qui ne veulent pas retourner au Nigeria ne seront pas contrés au retour. Plus de 85 000 réfugiés nigériens résident dans des régions du Grand Nord du Cameroun où les militants islamistes lancent des attaques utilisant souvent des femmes kamikazes et des enfants. En Somalie, 26 ministres, dont 6 femmes, un vice-premier ministre, voilà la composition du nouveau gouvernement somalien. Selon la RFI sur son site web, c'est la première fois depuis 1991 qu'un gouvernement somalien compte autant de femmes. Elle occupe 6 postes, à savoir la santé, les transports, le commerce ou encore les droits de l'homme, la jeunesse et les sports. Le premier ministre Hassan Al-Kerr a choisi 19 de ses ministres parmi les parlementaires, ce qui lui permet de respecter les équilibres claniques. Son gouvernement aura pour tâche principale, outre la sécurité, de faire face à la famine qui sévit dans plusieurs régions du pays, où 6 millions de Somaliens sont en insécurité alimentaire à cause de la sécheresse, notamment dans le Jubaland. Selon les autorités locales, 26 personnes sont mortes de faim en 36 heures. Et enfin, en Namibie, alors que le pays fêtait les 27 ans de son indépendance, le président Hage Geingob a annoncé des mesures en faveur d'une expropriation des terres détenues par les Blancs ou les étrangers pour pouvoir redistribuer les terres à la majorité noire. Selon la BBC sur son site web, il s'agit des expropriations qui se feront avec une compensation financière juste, selon le chef de l'État. L'objectif étant de redistribuer 43% des terres arables d'ici 2020. Selon le syndicat des agriculteurs namibiens, vers fin 2015, seuls 27% des terres avaient changé de propriétaire au profit de la majorité noire. Didier Nyonzima dans l'actualité internationale. Et c'est par là que nous mettons fin à ce journal en vous rappelant que le parti FNL réclame que feu général Adolphe Nshimirimana soit reconnu comme héros national. Une correspondance dans ce sens a été envoyée au numéro 1 de l'exécutif. Jacques Bigirimana, président de ce parti, demande aussi la mise en place de la commission de révision de la constitution de la République du Burundi. Et le président de l'organisation Parsem demande aux membres de la Cour des comptes de tout faire pour satisfaire les bailleurs de fonds. Faustin Dikoumana réagit au lendemain de la prestation de serment ce mardi de la nouvelle équipe, alors que l'ancienne n'a atteint ses missions qu'à 10%, ce qui pour lui n'est pas de nature à encourager les bailleurs à mettre la main à la poche. Et le Centre national de transfusion sanguine n'a plus de budget de fonctionnement depuis janvier. C'est cette année, ni de salaire pour le personnel. Du coup, les employés lancent un préavis de grève pour arrêter le travail. Ils expliquent que c'est pour éviter le pire. Et 60% des prisonniers sont en détention préventive et ceci est malheureusement devenu une règle, comme le regrette l'association Burundi Bridge to Justice dans un atelier organisé conjointement avec le Centre de formation professionnelle de la justice. Il est 13h15 à Bujumbura. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Jean Dodieu au micro. Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.